franceinter.fr. Bonsoir. C'est l'histoire de Georg Elser que je vais vous raconter aujourd'hui. Georg Elser, l'homme qui, tout seul, tenta d'assassiner Hitler. Munich, 8 novembre 1939, à 21h20, une bombe explose à la Bürgerbräu Keller, la brasserie où tous les ans à cette date, Adolf Hitler vient commémorer son putsch raté de 1923. Hélas, le Führer, qui est parti 11 minutes plus tôt que prévu, échappe à l'attentat. La providence, diront les nazis. Mais pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, comment ne pas penser qu'à 11 minutes près, l'attentat, s'il avait réussi, aurait peut-être pu éviter les millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est fascinant dans cet attentat et qui continue aujourd'hui de nous questionner, c'est la personnalité de son auteur. Georg Elser, menuisier ébéniste, fils d'ouvrier, il n'appartient à aucun réseau, à aucune chapelle, un homme seul, un Allemand ordinaire. Dans le néant absolu où est tombée l'Allemagne depuis l'avènement d'Hitler, qu'est-ce qui fait que soudain germe dans la conscience d'un homme la décision de dire non et d'en finir avec le dictateur ? L'histoire avec Stéphanie Duncan. Hélène Camarade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'études germaniques à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la résistance allemande, que ce soit au nazisme ou au communisme du temps de la RDA. Alors, quand on pense résistance allemande au nazisme, en l'occurrence, on pense généralement à la Rose Blanche, ce groupe d'étudiants donc résistants, né en 1942, ou encore à l'attentat de juillet 1944 mené par des militaires. Mais Georg Elser est beaucoup moins connu. Est-ce qu'en Allemagne, il est considéré comme un héros, par exemple ? Alors, c'est un problème c'est l'histoire d'après 45 qui a fait qu'on a très tardivement connu Elser et compris ce qu'il avait réellement fait. Donc les archives concernant son histoire n'étaient pas accessibles en Europe de l'Ouest. Et la légende répandue par la Gestapo, enfin les légendes éventuellement répandues par la Gestapo, ont perduré après 1945. C'était quoi cette légende ? Eh bien, la Gestapo n'arrivait pas à imaginer, en dépit de toutes les preuves en fait qui allaient dans ce sens-là, qu'un homme seul avait pu mettre à ce point en danger la vie d'Hitler. Donc, on pensait qu'il y avait les services secrets britanniques derrière, ou qu'il était téléguidé par d'autres groupes, ce qui était inexact. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont gardé en vie jusqu'en 1945 et qu'ils l'ont assassiné au dernier moment, quelques jours avant la chute du régime, parce que ils étaient persuadés qu'il était lié à d'autres réseaux, ce qui était inexact. Et donc ce mystère un petit peu autour de Georg Elser a perduré pendant des années, et ce n'est qu'ensuite, une fois que le mur de Berlin est tombé, qu'on a eu accès aux archives en de 1989. Berlin-Est, ah oui, c'est très tard. 90 même, ouais. 90. Et donc, on a redécouvert cette personne et c'est son action. Et effectivement, bon, ça posait de nouvelles questions sur la résistance allemande, puisque, comme vous l'avez dit, il s'agissait d'un individu solitaire qui n'était pas affilié à un parti ou à un syndicat. Donc, c'était nouveau et intéressant de voir que la résistance avait finalement pu se manifester de tous les milieux sociaux et aussi de façon individuelle. Et puis, aussi de façon active, puisque c'est ce qu'on a souvent reproché ou remarqué quant à la résistance allemande, c'est que c'est une résistance qui a été généralement non armée. Et donc, il est intéressant de se rendre compte qu'il y avait quand même eu des attentats contre Hitler. Il y en a eu au total une quarantaine. Alors, pour bien prendre la mesure de ce qu'a pu représenter cet attentat, donc en novembre 1939, celui de Georg Elser qu'on va raconter, pouvez-vous nous rappeler, Hélène Camarade, dans quel état est la société allemande à ce moment-là ? Alors, Hitler arrive au pouvoir en 1933 de façon légale. Hein, il n'est pas élu, il est nommé, mais il arrive de façon légale au pouvoir. Et il va très vite utiliser utilisé les failles constitutionnelles de la République de Weimar pour mettre en place une dictature et pour finalement suspendre tous les droits fondamentaux. Il va très rapidement, en l'espace de 2 ans, museler complètement la société, verrouiller tout le système constitutionnel et toute l'opposition, ainsi que la sphère publique et les publications, etc. Mais les Allemands eux-mêmes, les citoyens, est-ce qu'ils vivent dans la peur ? Disons que la situation de grande détresse sociale aussi et de misère sociale est antérieure à l'arrivée des nazis au pouvoir. Dans les années 30, après la crise de 29, la société allemande va très mal, le taux de chômage est colossal. Il y a, si vous voulez, une sorte de grande souffrance et beaucoup de violence politique, puisqu'on assiste au cours des dernières années avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, à des combats de rue fréquents entre les hommes de main nazis et les jeunes combattants du Parti communiste, par exemple. Donc il y a une violence de rue, il y a une violence verbale, il y a une grande misère sociale, une grande détresse sociale. Donc c'est sur ce terreau-là qu'Hitler accède au pouvoir. Mais on peut effectivement rencontrer des Allemands à l'époque qui, finalement, ne voient pas un grand changement, ne sont pas directement touchés par les mesures, les nombreuses mesures prises par les nazis. Finalement, pour certains, la situation économique peut momentanément même s'améliorer, momentanément, parce que tout le système économique est quand même sur du sable, hein, le système économique construit par les nazis. Hélène Camarade, donc en novembre 1939, la guerre a commencé, donc en début septembre 1939, la situation est bien pire, j'imagine, pour les Allemands. Tout à fait. On a à peu près 3 phases. On a la phase d'arrivée au pouvoir jusqu'en 1933-1935, puis ensuite une phase de relative stabilité où le pouvoir peut s'appuyer sur un certain consensus, une certaine passivité et même un certain soutien de la population. Mais ce consensus va commencer à se fissurer à partir de septembre 1938 quand les milieux de pouvoir et la population comprennent qu'en fait Hitler veut une guerre alors que la population n'est elle-même absolument pas prête pour, puisqu'on est encore en train de panser les blessures de la Première Guerre mondiale. Et donc un mécontentement se refait jour, même dans les milieux militaires, hein, qui eux pensent que c'est trop tôt pour la guerre, l'Allemagne ne pourra pas la gagner. Donc le mécontentement est quand même assez important, mais le début de la guerre en 1939 va permettre aux nazis de mettre en place un système législatif bien plus répressif encore que celui qui avait été mis en place en 1933-1934, et donc de réprimer très violemment tout propos défaitiste ou tout comportement déviant, ou hostile à la guerre, ou hostile aux alliés de l'Allemagne, etc. C'est donc dans ce contexte que Georg Elser va commettre son attentat. Merci Hélène Camarade. Je vous propose de poursuivre cette discussion dans une trentaine de minutes. Le temps d'écouter l'histoire incroyable de Georg Elser, donc l'homme seul qui, en 1939, tenta d'assassiner Hitler. Georg Elser, Baisse ton froc, un texte de Léo Kosten, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, une réalisation d'Étienne Vallès. Pauvre gamin. Ils défilent comme des soldats. Des activités paramilitaires pour faire d'eux de futurs fanatiques et de la chair à canon quand la guerre sera déclarée. Parce que, c'est sûr, on court tout droit à la guerre. Et ça, les Allemands ne veulent pas le voir. Ils ne regardent que les difficultés du quotidien. Mais ils se gourent. C'est pas parce qu'Hitler est au pouvoir qu'ils trouveront plus facilement du pain ou de quoi se chauffer. Mai 1933, à Constance, une petite ville du sud de l'Allemagne, près de la frontière suisse, au bord du Bodensee, le lac de Constance. Des maisons fleuries, des rues calmes et propres. Mais il ne faut pas se fier à ce décor d'opérette. Depuis 4 mois, Adolf Hitler est chancelier d'Allemagne. La mise au pas du pays est en marche. L'homme silencieux, qui assiste à sa fenêtre au défilé des jeunesses hitlériennes, voit juste. En 1923, ce mouvement ne comptait qu'un millier de membres. En 1933, ils sont plus de 2 millions, et dans 3 ans, ils seront 8 millions à espérer devenir des surhommes. Georg Elser a 30 ans. Il est menuisier ébéniste. Un drôle de bonhomme, solitaire, souvent perdu dans ses pensées. Mais il s'y sent bien. Ne dit-on pas que la tête est le dernier espace de liberté dans un pays totalitaire ? J'aime ces moments. Danser avec la femme que j'attends depuis longtemps. Enfin, je crois. Est-ce de l'amour ? Difficile à dire. En tout cas, la triste époque que nous vivons décuple le désir. Comme si le temps était compté. Reste encore contre le mien, Anna. Je connais ta réputation, Georg. C'est ton cœur qu'il faut écouter, pas les ragots. Je te rappelle que je suis mariée. Elle ne le sait que trop. Anna, tu oublies que le tango est une danse sensuelle. Je ne le sais que trop, Georg. L'amour, le désir, cela les nazis ne pourront jamais l'interdire. À quoi tu penses, Georg ? À toi. Allez. À nous. Parce que personne ne pourra jamais nous voler. Un voleur de baisers, voilà ce que tu es. Les gens ont raison. Tu es bien un homme à femme. Au fond, pourquoi me cacher la vérité plus longtemps ? C'est toi que j'attendais, Anna. Est-ce bien raisonnable ? L'amour ne devrait pas prendre le pas sur la politique. À moins que j'en inverse les termes. Ainsi, je pourrais trouver dans les yeux d'Anna la force de continuer le combat contre ce régime qui n'a pas fini de nous faire souffrir. Car c'est dit, ce régime, je vais le combattre à ma façon. Je me sens bien avec toi, Anna. Je te rappelle que je suis mariée et que j'ai 2 enfants. Il est où ton mari ? Au bistrot, en train de se saouler. Et les chômeurs ? Comme tant d'autres. Il attend qu'Hitler lui donne du travail, c'est ça ? Il fait beaucoup pour les ouvriers. Moi, je lui fais confiance. Ce n'est pas en supprimant les syndicats qu'il va créer le plein emploi. Tu exagères, Georg. Laisse-lui le temps. Grâce à lui, enfin, je suis fière de mon pays. Tu es aveugle, Anna, comme une bonne partie du peuple allemand. Tu ne vois pas que ton fureur supprime peu à peu toutes les libertés. Le 19 mai 1933, les syndicats sont dissous pour être remplacés par le Front allemand du travail. Robert Ley, nommé à sa tête, le transforme aussitôt en organisation nazie. Sous sa tutelle, le Front du Travail deviendra l'administration la plus corrompue du Reich. Tu sens bon, Anna. Je te ferai remarquer que le tango est fini depuis longtemps et que tu me tiens toujours dans tes bras. Sais-tu, Anna, que j'apprends à jouer de la sitar ? De la sitar ? Si tu viens dans mon atelier, je te montrerai à quoi ressemble cet instrument. Et puis, je te fabriquerai une table pour tes travaux de couture. Laisse-moi maintenant. Je dois rentrer. Tu as trouvé ta viande saoule ? C'est mon homme, le père de mes enfants. Tu viendras dans mon atelier, Anna ? Anna, tu ne le sais pas, mais je ne t'ai jamais perdu de vue. J'ai su, bien sûr, que tu t'étais mariée. Ce jour-là, j'ai ressenti une immense tristesse. Maintenant, je comprends pourquoi. Je crois que je t'aime, Anna. Georg est ce qu'on pourrait appeler un Allemand ordinaire. Après son travail, il se rend à son club de danse folklorique. Il joue de la sitar. Et comme beaucoup de ses concitoyens, il aime les randonnées dans la forêt. En 1928, il avait bien adhéré au Parti communiste allemand. Le seul parti, selon lui, capable de défendre les intérêts des travailleurs. Mais son engagement fut de courte durée. Georg Elser est renfermé et solitaire. En juin 1933, une drôle d'idée commence à germer dans sa tête. Anna, ça fait du bien de te voir. Je cherche du petit bois. Tu n'en aurais pas ? Si, si, dans mon atelier. C'est du bon, du bien sec. C'est quoi cette trace bleue ? Rien. Ton homme te bat ? Je connais la réponse, va. Ma mère a les mêmes traces bleues sur tout le corps. L'autre jour, j'ai trouvé mon père étalé de tout son long au bord du ruisseau, à côté de son vomi de poivreau. Ton pneu arrière ? Oui. Il est crevé. Je peux réparer ça à l'atelier. Et trouver du petit bois, tu me l'as dit. Oui, tu as de la chance, j'ai fait des réserves, car on n'en trouve plus. D'ailleurs, on ne trouve plus rien. Faut toujours que tu exagères. Tiens, j'ai lu que Robert Ley, celui que tu n'aimes pas, il va construire un bateau de croisière pour permettre aux ouvriers de passer des vacances pas chères. C'est bien, non ? Tu oublies de dire à Anna qu'avec l'argent des syndicats, il vient de s'acheter une superbe maison. J'en tremble de colère. Une honte. Et personne n'ose rien dire. Les gens ont maintenant trop peur. Faut que quelqu'un décapite cette idéologie pourrie. Ton petit bois, il est cher ? Je te ferai un bon prix. Je demande pas l'aumône, tu sais. L'aumône. Un mot dont certains chrétiens ne connaissent plus le sens. Quand je pense que notre pasteur, comme toutes ces tracailles nazies, profère des injures racistes et antisémites. Le Führer les aura tous convertis. Moi, c'est peut-être dérisoire. Jamais je ne ferai le salut hitlérien. Dans les administrations, les écoles, les entreprises, le salut nazi est devenu obligatoire partout. On y va maintenant dans mon atelier ? Je te rappelle que je suis mariée. Alors allez dans ton atelier. Je ne pensais pas à ça. Ou plutôt si. Je ne pense qu'à ça quand je te vois, Anne. Je te suis. Mais en tout bien, tout honneur. Naturellement. Ta table de couturière ? Oui. Je l'ai finie. C'est gentil, ça. Tu pourras passer la prendre quand tu voudras. J'enverrai mon frère. Comment commencer une relation alors que demain c'est décidé et je pars pour 3 ans en Suisse, chez un horloger ? Je vais apprendre à fabriquer des mécanismes d'horlogerie. C'est absolument nécessaire. Je t'aime, Anna. Heil Hitler! Quand je dis Heil Hitler, tu dois répondre Heil Hitler! Jamais je ne ferai le salut hitlérien. Jamais. Qu'est-ce que je fais dans ce commissariat de police? Ah! Sale petite vermine de bolchevique! Vous appelez Johann Georg Elser. Oui. Qu'est-ce que je fais ici, monsieur ? 9 novembre 1939, au commissariat central de Munich. Elser, qui vient d'être arrêté, se trouve face au redoutable Arthur Nebe, un personnage influent du régime. Nebe a participé notamment à l'organisation de la Nuit des Longs Couteaux, qui en 1934 a permis à Hitler de se débarrasser définitivement de toute forme d'opposition en instaurant un climat de terreur. Enfin, en 1937, Nebe a été nommé directeur de la police judiciaire du Reich. C'est à ce titre qu'il interroge Elzar, qui le 7 novembre 1939 a tenté de franchir illégalement la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Vous finirez bien, Elzar, par nous dire toute la vérité. Je ne céderai rien, espèce de fumier nazi. Conduisez le prévenu dans sa cellule. Il va avoir droit à un interrogatoire musclé. Johann Georg Elzar est bien mon nom. Je suis né le 4 janvier 1903 à Hermaringen. Parle plus fort! Hermaringen, une petite commune près de Stuttgart. Et Hermaringen! Rien à foutre d'Hermaringen! Je veux du concret! Pourquoi tu tentais de franchir illégalement la frontière entre le Reich et la Suisse en passant par un grillage? Il est tout rouge, ce con de nazi. Au fond, j'ai remporté une petite victoire. Temporaire, bien sûr. Je sais que je ne résisterai pas sous la torture. Conduisez le prévenu dans sa cellule. On a de la chance d'avoir un tel accordéoniste au club. Tu ne trouves pas? Ne dis plus rien, Georg. Ne parle plus. Sauf de nous. Seule la musique compte. Elle accompagne notre bonheur tout neuf. Notre bonheur tout neuf. Oui, Anna. Et pourtant, je vais te quitter. Comment te dire que je pars demain pour plusieurs mois? Et comment t'expliquer mon cheminement? L'air en Allemagne devient de plus en plus irrespirable. J'étouffe. Et ce Hitler, c'est un chef de gang sans foi ni loi. Il faut à tout prix arrêter son ascension. J'ai tout prévu. Dis que tu me quitteras jamais, Georg. Fais-moi cette promesse. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Oui. Et je ne peux pas te faire une telle promesse. Quand Hitler aura déclaré la guerre, il faudra bien que je prenne l'uniforme. Mais si l'attentat réussit, et si je suis encore en vie, je te promets. Est-ce que tu me dis toute la vérité? Tu as l'air d'un comploteur. On les arrête aujourd'hui pour moins que ça? Grâce au dénonciateur. Qu'est-ce que tu me caches? Viens, il faut que je te parle. Je vais partir, Anna. Partir? Alors que nous commençons tout juste une relation? Moi qui te croyais sincère. Je le suis, Anna, mais... Mais... J'ai des choses à faire. Mon devoir. L'apprentissage d'horlogerie en Suisse pendant 3 ans. Ensuite, en 1936, je pense, je chercherai un travail près de Munich. J'économiserai tout l'argent que je gagnerai. J'en aurai besoin pour acheter le matériel. Et pour louer à Munich le local où je pourrai bricoler en toute liberté. Et après... Je tuerai Hitler. J'ai des choses à faire. Plus importantes que notre couple. Je vais partir pour quelque temps en Suisse. Un charpentier de renom m'a engagé. C'est une occasion unique de progresser dans mon métier. Progresser dans ton métier? Mais t'es complètement cinglé. Je l'ai toujours su. J'aurais dû me méfier. Je suis désolé, Anna. Vraiment désolé. Il y eut des Allemands pour se dresser contre la dictature nazie. Les plus connus sont Hans et Sophie Scholl, étudiants chrétiens et pris d'idéal, membres du réseau de la Rose Blanche, qui signent des tracts anti-nazis à partir de 1942. Georg Elser, lui, est un résistant de la première heure. Il n'appartient à aucun mouvement susceptible de le soutenir. Il agit dans son coin. C'est parce qu'il pense qu'Hitler conduit son pays directement à la guerre qu'il décide de le tuer. Georg Elser veut, selon ses termes, empêcher la guerre. Tout simplement. Et il a bien failli réussir. Heil Hitler! Vous portez au revers de votre veston l'insigne du front rouge des combattants. Vous êtes communiste? On ne peut pas dire ça comme ça. En tout cas, c'est au nom de cette idéologie que vous avez assassiné des fidèles patriotes. Des patriotes qui venaient applaudir notre Führer. Un attentat à la bombe a été commis la veille, le 8 novembre 1939, dans une célèbre brasserie munichoise, la Burgerbräu Keller, située en plein centre-ville. Je n'ai assassiné personne. Ou alors, s'il y a eu des morts, je ne les ai pas voulus. C'est la tête que je voulais décapiter, pas le public. Nous verrons. L'enquête suit son cours. Pourquoi avez-vous adhéré au Parti communiste ? C'est un parti créé par les ouvriers pour les ouvriers. Alors qu'Hitler a supprimé toutes les libertés en créant un parti unique, un syndicat unique ? Bon. Vous savez, je n'ai pas réellement été membre du parti. Je me suis contenté de voter pour lui. Car jusqu'en 1933, le vote était libre, que je sache. En votant pour lui, vous votiez contre l'Allemagne. Les communistes sont des traîtres. Vous êtes un traître et un assassin de surcroît. J'aime mon pays. J'aime la paix. Les communistes et les pacifistes sont tous des traîtres. Dictature pour dictature. Je préfère encore celle du prolétariat. Le 8 novembre, à 20h40, des douaniers vous ont intercepté alors que vous vous apprêtiez à passer clandestinement la frontière entre notre pays et la Suisse. Vous vouliez fuir l'Allemagne ? Qu'est-ce que tu crois, commissaire de merde ? Bien sûr que je voulais fuir. Pourquoi vouliez-vous aller en Suisse ? J'ai travaillé en Suisse pendant 3 ans, comme menuisier. Je me suis fait beaucoup d'amis, j'allais les voir. Ensuite, vous êtes retourné à Constance, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ? Ça te regarde ? Pour travailler dans mon atelier. Pourquoi l'avoir quitté ? Pourquoi vous êtes-vous installé à Munich, Elser ? Cette ville où, justement, un attentat vient d'être commis contre notre Führer. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais cet attentat a quand même tué 8 personnes et en a blessé 63. Ce n'est pas leur mort que je voulais. J'espère que Dieu me pardonnera. C'était Hitler, ses ministres et ses généraux que je voulais tuer, pour donner une nouvelle chance à l'Allemagne. Mais mon plan a échoué. Êtes-vous l'auteur de ce misérable attentat ? Je n'ai rien à voir avec tout cela. Nous le saurons bientôt. Elser. C'est l'entrée des troupes allemandes en Pologne, le 1er septembre 1939, qui a déterminé Georg Elser à agir. Il a compris que par le jeu des alliances, le monde entrait dans un conflit généralisé. Il a donc voulu stopper la machine de guerre nazie. S'étant fait embaucher dans une carrière, le jeune homme a dérobé l'explosif nécessaire à la fabrication de la bombe. Parfait. Si tout est bien réglé, ça devrait péter dans 10 minutes. Et la neige étouffera le bruit de l'explosion. Bonjour, Georg. Anna. Ainsi, tu es revenu de Suisse ? Comment tu l'as su ? C'est ta mère qui me l'a dit. Celle-là. Entre son bon Dieu et ses commérages. Qu'est-ce que tu fabriques ? Un bonhomme de neige ? Ah, rien de particulier. Je fais des essais. Des essais? Des essais de quoi? Toujours aussi bizarre. Il faut que je l'expédie dans les 10 minutes avant que ma bombe n'explose. Embrasse-moi, Georg. Je ne t'ai pas oublié, tu sais. Te voilà revenu pour de bon? J'ai trouvé du travail dans une carrière près de Munich. Munich? Mais qu'est-ce que tu fous dans cette ville? Je prépare un attentat contre Hitler. La carrière qui m'emploie fait des essais sur l'efficacité des explosifs. Les explosifs? Je comprends rien à ce que tu dis. Ce que je comprends par contre, c'est que tu n'es là que pour quelques jours. Heureusement, Anna. Parce que dès que tu seras partie, je ferai un essai avec le même type de bombe que celle que je placerai bientôt dans la Burger Broikeller. Juste à côté de l'endroit où le Führer fera son discours. Tu n'as rien à me dire? Non. Ton baiser, pourtant. Je t'aime, Anna. Laisse-moi, Anna, j'ai affaire. Espèce de salaud. Tu n'es qu'un salaud. Pas normal. T'as vraiment une tête bizarre. Une tête de comploteur. Ne pas se déconcentrer. Poursuivre l'action de manière résolue. Bon. Est-ce que le mécanisme fonctionne? Ça marche. Encore quelques secondes et l'engin devrait exploser. Bon, il vaut mieux se mettre à l'abri. Quand j'aurai réussi mon coup, j'expliquerai tout à Anna. Elle comprendra. Elle pardonnera mon attitude. Et c'est concluant. À la seconde près, Hitler et ses sbires, tous morts. Salut Georg, ça fait au moins une semaine que je t'ai pas vu. Ma mère avait besoin de moi. Ah. Qu'est-ce que je te sers? Le menu ouvrier comme d'habitude? Oui, de la soupe avec des boulettes de viande et du chou, j'imagine. En plein dans le mille. Une chope avec ça? Oui, merci, Lotte. Je ne suis plus à un mensonge près. Fin octobre 1939. Georg Elser prend son repas, comme tous les soirs depuis quelques semaines, à la Burger Broikeller. C'est dans cet établissement qu'Hitler commémore chaque année l'anniversaire de sa tentative de putsch le 8 novembre 1923, un coup de force manqué qui, à l'époque, lui avait valu quelques mois de prison. Et donc, chaque 8 novembre, le Führer y prononce un discours. C'est ce jour-là, dans moins d'une semaine maintenant, que le jeune homme fera exploser sa bombe. Et ce soir, comme tous les soirs, Elser observe attentivement les lieux, puis s'enferme dans un placard à balai, attendant que la brasserie se vide. Ensuite, il continuera de creuser la cavité dans laquelle il a prévu de placer sa bombe. La semaine prochaine, tout sera fini. Enfin, je l'espère. Je l'aime bien, Lotte. Elle est gentille. Elle met toujours un peu plus de viande dans ma soupe qu'aux autres. Ça tombe bien. J'ai besoin de force pour la nuit. Creuser, creuser, toujours creuser. Au fond, je creuse la tombe d'Hitler. Voilà, Georg. Merci, Lotte. Tu es un amour. Ah, il faudra bien un jour que tu me le prouves. La puanteur dans ce foutu placard. Rien que d'y penser, ça me soulève le cœur. Vous avez été arrêté le 8 novembre, alors que vous tentiez de passer clandestinement la frontière avec la Suisse. Je ne comprends toujours pas pourquoi... Les douaniers ont trouvé dans la doublure de vos poches un morceau de détonateur et une carte postale représentant la Burger Broikeller, la brasserie où notre Führer vient chaque 8 novembre. Le détonateur et la carte postale, eh oui. Je voulais tout envoyer de Suisse pour prouver que j'étais bien l'auteur de l'attentat. Qui ne dit mot consent ? Je me demande toujours ce que je fais ici, monsieur le commissaire. Et moi, de moins en moins. Sur la carte postale, il y a une croix au pied de la colonne à côté de laquelle, chaque année, le Führer prononce ses discours. C'est vous qui l'avez dessiné ? Oui. Pourquoi ? Cherche. Un souvenir sacré, en quelque sorte. L'endroit où notre Führer vient chaque année faire son discours. Tu te fous de ma gueule, espèce de petit connard de traître ! Je te briserai, tu m'entends ? Je te briserai d'une manière et d'une autre ! D'une manière et d'une autre ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? À coup sûr, la torture ? Mon Dieu, ayez pitié de moi. Arthur Nebel, je vous écoute, Major Général Müller. Mon Dieu. Je comprends. Je vous attends, Major Général Müller. Heinrich Müller, surnommé Gestapo Müller, est le chef du département de l'Office central de la sécurité du Reich, qui regroupe la Gestapo et la police des frontières. Il jouera plus tard un rôle majeur dans la planification et la mise en œuvre de la solution finale. Hitler, impatient de connaître la vérité sur l'attentat qui a failli lui coûter la vie, a demandé à Müller de prêter main forte à Arthur Nebe. À force de creuser à quatre pattes dans ce foutu pilier, j'ai les genoux en sang. Mais ma souffrance n'est rien à côté de celle du peuple polonais. Le 8 novembre approche. Je crois que je serai dans les temps. Si tout avance comme je veux, je placerai le mécanisme dans la cavité le 3, les explosifs et les détonateurs le 4, et dans la nuit du 5 au 6, je réglerai le mécanisme pour que la bombe explose le 8, entre 21h15 et 21h30. Après, je prendrai le chemin pour la Suisse. Tu as mauvaise mine, toi. Le travail de moins en moins payé, les privations. Comme nous tous. À qui la faute ? Je t'apporte une chope ? Oui. Les SS fouillent partout. Ils se méfient. J'espère seulement qu'ils me foutront la paix cette nuit. Enfin, nous verrons. Tiens, voilà ta chope. Moi, je m'en suis prise une pour trinquer avec toi. À ta santé, beau jeune homme mystérieux. À ta santé, Lotte. Et merci encore une fois d'améliorer mon ordinaire. Ça me fait plaisir. Les SS cassent des verres et ne s'excusent jamais. C'est pas à eux que je ferai ce plaisir. Ils font leur devoir, non ? Mmh. On se voit quand ? Ah, ça va, j'ai compris. Je vous conseille de collaborer, monsieur Elzer. Va te faire mettre, Gestapo Müller. Non. Je lis dans vos pensées. Je sais qu'elles sont laides. Sachez que le Führer m'a donné tous les moyens pour connaître la vérité. Monsieur le chef de la Gestapo, je vous jure que je n'ai pas commis l'attentat dont vous m'accusez. C'est la fin. Ils ont trouvé des preuves. Mes aveux ne vont pas tarder. Tout cela n'a que trop duré. Nous allons prendre les grands moyens. Trop duré, oui. Sans compter que je dois remettre mon rapport au Führer, toutes affaires cessantes. La cigarette que je viens d'allumer, je vais en poser le bout incandescent sur votre main droite. À moins que... Vous ne nous disiez la vérité tout de suite. Je ne résisterai pas longtemps. D'autant que nous avons accumulé les preuves contre vous. Pour le mécanisme de la bombe, vous avez acheté chez un horloger deux pendulettes. Ce monsieur a fait de l'acheteur une description qui vous ressemble singulièrement. De la même façon, le serrurier qui vous a prêté l'atelier où vous mettiez au point l'engin explosif a fait de vous un descriptif tout à fait précis. C'est vrai, Georg Elser a bien loué à Munich, dans le courant de l'été 1939, un petit atelier à un serrurier. Atelier où il a mis au point son engin explosif. À ce serrurier, comme à tous ses nouveaux voisins, il s'est présenté comme un inventeur. Ainsi, Georg a pu bricoler sans être inquiété. Alors ? Va te faire mettre. Va te faire mettre. Je déteste les grossièretés. Pas vous, major général ? Finissons-en, voulez-vous ? Je n'ai rien à vous dire. Par ailleurs, on vous a vu à la Burger Brokeller tous les soirs depuis un mois. Lotte. Votre physique correspond en tout point à la description qu'en a faite la jeune serveuse. Alors ? J'espère qu'ils ne lui ont pas fait de mal. Après la main, la joue. L'homme qui a commis l'attentat a creusé une cavité au pied de la colonne qui se trouve à côté de la tribune où notre Führer prononce ses discours. Pour ce faire, le criminel a travaillé des nuits et des nuits à genoux. Ses genoux doivent être purulents. Baisse ton froc, Kelser. Baisse ton froc! En effet, Elser, vos genoux sont purulents. Ça, c'est sûr. Alors, Elser, toujours rien à dire? C'est bien moi l'auteur de cet attentat. Attentat raté qui a tué des personnes dont je ne souhaitais pas la mort. Je voulais que le sang d'Hitler et de toute sa hiérarchie nazie coule pour qu'il cesse de couler en Pologne et dans notre pays. Je note qu'aujourd'hui, le 9 novembre 1939, à Munich, le prévenu Johann Georg Elser vient d'avouer qu'il est bien l'auteur de l'attentat dit de la brasserie. Concernant votre arrestation, nous avons eu beaucoup de chance. Car aussitôt après l'explosion de la bombe, j'ai envoyé un télégramme à tous nos postes frontières. Et c'est là que les deux douaniers m'ont téléphoné pour m'informer qu'ils venaient d'interpeller un individu ayant sur lui des morceaux de détonateur et une carte postale de la Burger Brokeller. C'est en effet en baissant son pantalon que Georg Elser a été confondu. La bombe qu'il a fabriquée a bien failli tuer Hitler, à 11 minutes près. Le mécanisme de l'engin était parfaitement réglé sur le moment précis où le Führer était censé terminer son discours commémoratif à la Burger Brokeller. Hélas, Hitler, préoccupé par les préparatifs de guerre, pressé de rentrer à Berlin, a quitté les lieux 11 minutes plus tôt que prévu. Hitler va expédier Georg Elser au camp de concentration de Dachau, où il le fera liquider en 1945, quelques jours avant la fin de la guerre. Elser a agi seul face à Hitler. Oui, vraiment seul, et non aidé par les Britanniques, comme le pouvoir l'a longtemps cru. Quand les nazis lui ont posé la question de savoir pourquoi il avait voulu tuer Hitler, Elser a répondu « J'ai une aversion pour les dictateurs, surtout pour Hitler qui n'a pas tenu ses promesses envers la masse ouvrière. Et je n'accepte pas qu'Hitler plonge le pays dans la guerre. J'ai donc voulu l'en empêcher. » » Elzer Bestonfrock, un texte de Léo Costen avec Philippe Bautier, Georg Elzer, Najda Bourgeois, Anna, Pierre Osseda, Arthur Nebe, Jacques Poitérier, Heinrich Müller, Sarah Le Picard, Lotte et les voix d'Étienne Launay, Tiffaine Rabot-Fournier, Antoine Delaroche et Bénédicte Le Sen. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Émilie Couette, assistance technique Lidwin Caron, assistant à la réalisation Litorquia et Félix Levaché, réalisation Étienne Vallès. Dans un instant, nous reprenons la discussion sur Georg Elzer avec mon invité Hélène Camarade. Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera et nous serons des La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés, les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais, et le ciel a tout filmé. Aujourd'hui c'est moi qui tombe, je rejoins l'armée des ombres, mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes après la pluie qui tombe, l'herbe viendra repousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais, et le ciel a tout filmé. Mickey 3D, La Rose Blanche, une chanson hommage bien sûr aux jeunes résistants allemands de La Rose Blanche. Nous sommes sur France Inter, dans Autant en emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Djoubaka, la technique Charles Pélabon. On vient donc d'entendre l'histoire incroyable de Georg Elzer, cet Allemand ordinaire qui, en novembre 39, a tenté d'assassiner Hitler. Hitler qui est parti, hélas, 11 minutes plus tôt que d'habitude. Elzer a été arrêté à la frontière suisse alors qu'il tentait de quitter l'Allemagne et bientôt, suite à un interrogatoire musclé, il finira par avouer. Cette histoire est assez incroyable, n'est-ce pas, Hélène Camarade? On se dit qu'à 11 minutes près, peut-être que Hitler serait mort, ainsi que certains dignitaires très importants du régime, Goebbels, Himmler, Rudolf Hess, Ribbentrop, qui étaient également présents ce soir-là. Et peut-être qu'on aurait évité les millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Ça donne un peu le vertige, non? Oui, tout à fait. Ce sont ces 11 minutes que les Allemands aussi, a posteriori, après 1945, ont eu un petit peu de mal à avaler. Hitler avait construit tout un discours, déjà depuis des années, visant à se présenter comme protégé par la Providence. Et donc, on a souvent pensé qu'il avait mis en scène, par exemple, cet attentat pour illustrer sa protection par la Providence. Donc, certains résistants à l'époque, on peut retrouver ça dans leurs journaux intimes, enfin, certains opposants du moins, qui entendent donc cet événement sur l'attentat et le fait qu'Hitler y a échappé de très très peu, vont s'interroger en disant ce que nous dit la propagande, c'est forcément faux, et probablement c'est une mise en scène du régime. Helzer va être pendant longtemps encore, mais même au camp de concentration de Dachau, il va être soupçonné d'être en fait un pion des nationaux socialistes, d'autant plus que il aura un statut particulier au camp de concentration. Il sera détenu dit privilégié. C'était aussi le statut par exemple de Léon Blum, et donc en fait c'était uniquement parce que les nationaux socialistes pensaient qu'il avait des informations et voulaient continuer à l'interroger, et avaient prévu aussi, après la victoire dite finale qui ne manquerait pas d'arriver, de faire un grand procès à grand spectacle. Le fait aussi que la Gestapo elle-même n'arrivait pas à croire au fait que Helzer ait fait tout ça tout seul. Puis ces 11 minutes, en fait, c'est très clair. Les années précédentes, Hitler faisait des discours qui duraient des heures, parce qu'il c'était une auto-célébration du parti nazi. Oui, quand il était à la brasserie, là, tous les 8 novembre. Il faisait un discours très long, mais ce soir-là, il a été obligé de partir plus tôt. Voilà, parce qu'on est dans le contexte de la guerre, donc évidemment, il a un emploi du temps extrêmement serré. Et ce soir-là, je crois que c'est pour des raisons météorologiques qu'il ne peut pas rentrer en avion, il doit rentrer en voiture, quelque chose comme ça, ou en train. Et du coup, il doit partir plus tôt. Ce que ne croient pas les nazis non plus, c'est que Helzer ait réussi à monter une bombe aussi sophistiquée. Et effectivement, il met un an à tester le mécanisme, rassembler les matériaux, faire des tas donc de tests dans des carrières, etc. Et puis les derniers mois où en fait il creuse dans la colonne effectivement où il installe la bombe. Donc c'est un an de préparation à peu près pour cette bombe. Mais il démontre lors des interrogatoires qu'il en est bien l'auteur, puisqu'il remonte la bombe sous les yeux des policiers de la Gestapo, de la police. Oui. C'est seulement à partir des années 1990 en Allemagne, Hélène Camarade, qu'on a commencé à connaître la véritable histoire de Georg Helzer et cet attentat contre Hitler. Aujourd'hui en Allemagne, est-ce que c'est un homme connu? Est-ce que, par exemple, des rues portent son nom en Allemagne? Alors effectivement, son cas est connu des milieux spécialistes à partir des années 60, mais c'est uniquement après 90 que finalement on s'intéresse à son cas justement particulier. Donc il est reconnu, on en parle, il est étudié dans les écoles, il est dans les manuels scolaires. On a, je crois dans les années 90, édité un timbre à son effigie et certaines rues portent son nom. Cependant, quand on parle d'attentat, en général on pense d'abord à celui du 20 juillet 44, et il est assez significatif que les mémoriaux qui commémorent en Allemagne la mémoire de Helzer sont des mémoriaux que l'on peut ne pas voir dans l'espace urbain. Par exemple, celui qui est à Berlin, pour être passé à côté avec des étudiants, eh bien, on avait fait le test, les étudiants étaient passés à côté sans voir le mémorial, tellement celui-ci est discret. Ah. Donc c'est tout à fait à la mémoire de ce personnage, finalement, qui ne rentre pas dans les cases habituelles de la résistance. Merci beaucoup Hélène Camarade. Vous êtes notamment l'auteur de Écriture de la Résistance, le journal intime sous le Troisième Reich, publié aux Presses universitaires du Mirail. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lueck. Merci à France Bleu Gironde. Vous pourrez aussi sur le site écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. Rirette Maître Jean, du col Claudine à la bande à Bono, un texte de Patrick Péchereau qui nous plonge dans l'univers des anarchistes en 1911 au moment où ils vont être entraînés par Jules Bonneau dans la spirale de la violence, ou encore Samuel Insull, la cavale à milliardaires. Pendant la crise de 1929 aux États-Unis, un jeune journaliste veut absolument mettre la main sur l'homme d'affaires Samuel Insull, responsable selon lui de la mort de son père. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, pour la dernière émission de la saison, mais je vous rassure, l'émission continue à la rentrée, je vous raconterai le dernier voyage d'Albert Londres lorsque le grand reporter de l'entre-deux-guerres est parti enquêter en Chine, en pleine guerre avec le Japon. Ce qu'il découvre là-bas est si explosif que sa vie et celle de ses amis vont être menacées. Albert Londres, le dernier reportage, c'est dimanche prochain. Dans quelques minutes, ne manquez pas, bien sûr, l'Afrique en solo de Soro Solo. Très bonne soirée à tous.